inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue. Truc de malade. Truc de psychopathe. Truc de fée. Strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Nos passes à Rennes. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Hey yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! Want me to hide all my feelings. Bonjour, bonsoir, vous êtes bien toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et paraît-il en direct dans l'émission Au fond près du radiateur. Voilà, et cette émission est rediffusée le vendredi. De 7h à 8h30, et vous avez aussi, paraît-il, un Facebook, donc vous pouvez regarder. Et paraît-il, il y a plein d'autres trucs maintenant, et j'adore utiliser le mot truc. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux, voilà, et c'est très important de ne pas se prendre au sérieux. Une des choses qui est importante aussi, c'est de rappeler que depuis plus de 14 ans, on est une mission militante, basé sur à la fois des expériences de lutte, basé aussi sur des revendications, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. C'est pas seulement ça, c'est aussi une analyse qui est basée sur des pratiques et aussi quelque part, et comme j'ai quelqu'un à côté de moi, sur un peu un idéal qui serait autour du communisme. Voilà. Donc on ne s'étonnera pas que cette émission ne salue pas la mort de George Bush. Pourquoi je cite ça? C'est en référence certainement avec Malcolm X qui n'avait pas pleuré sur la mort d'un certain Kennedy. Pourquoi George Bush père? Parce que ce monsieur était déjà à l'époque l'assassin des Irakiens, et c'était, j'allais dire, à partir des années 90, eh bien, une marque de fabrique et un changement de réalité politique très importante. Donc c'était à la fois la fin du communisme, mais aussi avec Mitterrand, parce qu'il faut rappeler ça, Thatcher de l'époque, le cassage, le début de ce qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui, qui est de briser tout ce qui peut rester des acquis sociaux. Et une des bases de ça, ça a été effectivement la guerre du Golfe, avec cette apparition d'un mouvement qu'on va plus tard parler d'intégrisme et fondamentalisme. Autre chose, c'est qu'on ne salue pas aussi eh bien, le fait que les médias se sont engorgés, mouillés sur la mort d'un terroriste. Cette forme de médiatisation où, comme au Moyen-Âge, on achève et on tue je ne sais pas combien de fois une personne dit quelque chose de cette démocratie de bande d'assassins, puisque ce monsieur, en l'occurrence, est un, entre guillemets, citoyen français, et le monstre, il a été construit ici et pas il y a combien de milliers de kilomètres. Et c'est bien aussi de temps en temps de se poser la question comment on arrive qu'à une société... des hommes et des femmes sont tellement perdus qu'ils peuvent prendre des armes et tuer n'importe quoi sur n'importe quel principe. Mais une des choses qui est aussi intéressante dans ce mouvement qu'on a vu, ce mouvement social, c'est le fait qu'on pouvait aussi très vite déborder sur autre chose. C'est l'arabe est toujours une question, la question de l'islam aussi. Donc la question raciale revient très vite. C'est très facile d'arrêter un mouvement. Vous faites une petite bombe et là, vous avez ça. Ça reflète aussi la société française des années 2017 où la prisme de la question coloniale est extrêmement importante. Et voilà, c'est arabe, islam égale terrorisme. Voilà, et on adore ça. Et on dit quelque chose aussi du fait qu'une partie de la population française, prolo ou pas, n'ont pas accès aux mêmes droits que les autres. C'est un principe que, déjà dans les années 60, aux États-Unis, pour l'accès aux droits civiques, on se battait. Effectivement, on ne va pas se réjouir de Marie-Antoinette qui donne quelques piécettes jaunes à quelques personnes, parce que c'est bien des pièces jaunes qu'il a balancées à la gueule de ses gueux. Et je pense que c'est bien de le rappeler aussi. C'est aussi bien de rappeler aussi qu'il y a un mouvement voilà, social qui va dans tous les sens, de droite à gauche, mais aussi qui pose la question clairement des questions sociales, mais aussi qui pose aussi des questions qui peuvent nous interroger, notamment sur la question du référendum. Si aujourd'hui on faisait un référendum sur la question des minorités raciales, j'ose à peine imaginer le résultat dans un pays qui fait plus de 30% de gens qui votent entre Front National, droite extrême, etc. Et on l'a vu lors du débat sur la question du mariage homosexuel. Donc oui, ça se questionne, ce mouvement. Et les Gilets jaunes, moi je dirais, face à ça, ce qui aujourd'hui ce serait bien, c'est une grève générale où effectivement les lieux de production soient à un moment donné arrêtés. Car ça, c'est une des réponses qui, moi, me semble, en tout cas, donner un incitateur. Ou autre chose, face à ces démocraties bourgeoises, directes, de l'immédiateté, eh bien, la démocratie des salariés, c'est pas la même chose. C'est ici, maintenant, collectivement, qu'on décide. Et c'est vrai qu'il y a donc, effectivement, plein de choses à interroger sur ces mouvements. Voilà. Voilà, on dénonce toutes ces arrestations, ce matraquage d'arrestations de personnes. Et on a vu un peu, et on reviendra sur ça. Donc effectivement, c'était le moment de l'édito, du coup de gueule. Et on est, encore une fois, on essaye toujours d'être nombreux et nombreuses. Et on a Iman, ici présente. Salut. Pierre. Bonsoir. Et Robinson, bonsoir, à la technique. Bonsoir. Voilà. Alors, pour faire le point, on aura un coup de téléphone à 19h10 autour de l'hôtel et de la grève de ce qui se passe. Je ne sais pas si Romazon peut nous dire quelques mots, deux secondes. Oui, on va avoir Noura du Parc Hayat Vendôme. Ils sont presque à 3 mois de grève et se battent notamment pour l'intégration de la sous-traitance des femmes de chambre. Voilà. Et après, à 19h30, on aura un appel de Mathilde. Et Iman, tu peux nous dire quelques points. Ce sera autour de ce qui se passe par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Oui, en gros, Mathilde, c'est une femme qu'on a rencontrée le 1er décembre, qui est très engagée, en tout cas, dans les manifestations. Et samedi, on l'a recroisée et elle nous a dit qu'en fait, elle avait passé la semaine à Coignères, dans 78, D'accord. Où il y a eu pas mal de blocus et de blocages autour de pas mal de ronds-points. Il y avait des camps, un campement qui a été organisé. Enfin, qui a été totalement montée. Et voilà, elle y était donc, pendant toute la semaine. Donc elle va pouvoir nous en parler, nous en dire plus sur ce qui se passait, sur ce qui se disait concrètement. Voilà. Et vers 20h, on abordera la manif du 18 décembre pour l'accès aux droits des migrants. Puisque c'est bien d'abord de rappeler que c'est bien d'une manif pour les migrants, mais surtout la situation aujourd'hui de personnes qui n'ont pas de titre de séjour est une catastrophe. C'est 365 jours. Par an, c'est aussi des milliers de morts à la mer Méditerranée qui est devenue un lieu de cimetière. C'est ça la Méditerranée aujourd'hui, ouais. C'est bien de le rappeler. Et aussi, en dehors de ça, les personnes qui ont un titre de séjour ne savent toujours pas si dans un an, si dans 5 ans, ils vont avoir leur titre de séjour, puisque régulièrement maintenant, le titre de 10 ans n'existe plus. C'est un titre de 1 an renouvelable. Donc on dit quelque chose aussi de cette période, de ces salariés qui travaillent sans contrat de travail et qui n'ont pas accès au logement, aux minima sociaux. Donc c'est aussi ça, cette réalité. Donc c'est bien cette manifestation, mais on le rappelle, évidemment, eh bien, voilà, c'est 365 jours par an et c'est une réalité. Après, on abordera avec Pierre, on va essayer quand même de rester un petit peu sur ce qu'était le cinéma militant après 68, voilà. Et c'est pas mal de faire des rubriques autour de l'art et qu'est-ce que veut dire le cinéma. Et bah voilà, on sera content un peu d'aborder ça. Voilà. Alors là, on va faire vite fait un petit truc musical. Et si on a un appel, eh bien, on arrêtera tout de suite la musique pour le direct et voir ce qui se passe dans cette grève. Soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison. Aucun sens à l'univers, aucune décence, tout est calvaire. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison. Aucun sens à l'univers, aucune décence, tout est calvaire. La société est une salope, le capital un enfoiré. Il faut brûler les policiers. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. Ce que je vois, c'est un grand feu, je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous, accusez, je vais moi-même vous juger. I sentence you to... Allô ? Nous sommes avec Noura en ligne. Oui, Noura, tu nous entends bien ? Oui, oui, oui, bonsoir. Bon, ben, bienvenue donc, au fond près du radiateur. Tu étais déjà venue sur notre émission. Alors, tu es Noura en grève actuellement au parc Hayat Vendôme. Est-ce que tu peux te présenter à nouveau pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Oui, alors je suis Noura, gouvernante au parc Hayat Vendôme. Donc, je suis salariée de la sous-traitance et je suis également déléguée syndicale chez le sous-traitant et déléguée du personnel chez le parquet de Vendôme. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que on peut réexpliquer comment est née votre grève, la sous-traitance, peut-être des auditeurs ne savent pas ce que c'est, donc tu n'es pas directement en CDI dans le palace parc Hayat Vendôme. Pour réexpliquer à nos auditeurs, c'est un palace, hein, c'est au-dessus des hôtels 5 étoiles, à peu près 40 mètres de la place Vendôme, donc une des rue de la Paix, hein, la rue la plus chère de Paris. De Paris, oui. Voilà, et donc où Johnny Depp, etc., les stars, les politiques, les artistes, musiciens, etc., les personnes du FMI, bon, logent dans ces hôtels. Hein. Ce sont les endroits où ils viennent dormir à Paris. Et c'est entre 1000 euros et jusqu'à 20 et quelques 1000 euros la nuit dans une chambre ou dans une suite. Voilà, pour recentrer le lieu hein, de tout ça. Oui, oui. Alors, exactement, c'est un hôtel de luxe. De toute manière, ça n'existe pas plus haut que Palace. Donc, on est dans un hôtel vraiment de luxe, c'est-à-dire on accueille des grandes personnalités, on accueille également des milliardaires. Donc, du coup, ben, les chambres, c'est vraiment du luxe. Oui. Et Hayat Vendôme a décidé, depuis l'ouverture de l'hôtel, de ne pas embaucher les femmes de chambre équipiers gouvernantes, c'est-à-dire tout le service du nettoyage des étages, et a décidé de ne pas les employer directement. Mais pour lui, c'était mieux de voir avec une société de sous-traitance pour prendre ce marché-là. Donc, nous, on est embauchés depuis. Voilà, il y a des sociétés qui changent par les appels d'offres tous les 3 ans. Voilà, c'est l'avantage pour les employeurs de pouvoir vous mettre en concurrence les différentes entreprises de sous-traitance de ces femmes de chambre. Sans CDI derrière, sans prime d'intéressement, prime à la participation, 13e mois, etc. Exactement. Nous, on n'a pas de prime d'intéressement, on n'a pas de prime de participation. On n'a pas le droit aussi également un simple exemple. Par exemple, les cadeaux de Noël ou les fêtes de fin d'année, voilà, où ils préparent, par exemple, une jolie fête, etc. Oui, nous, le comité d'entreprise, vous en avez pas, ou voilà, c'est ça. Voilà, nous, on n'a pas accès à tout ça. Et donc, du coup, on est, si je peux dire ça comme ça, comme des intérimaires, en fait, qui travaillent, sauf qu'on travaille tous les jours dans cet hôtel. C'est ça. Tous les jours, et uniquement dans cet hôtel. C'est-à-dire, on ne change pas de... On va nulle part. Depuis, on est embauché, on est là. C'est un peu l'intermédiaire entre l'ubérisation, voilà, et un contrat normal, voilà. Donc, votre grève a commencé, si je ne me trompe pas, le 27 septembre et n'est pas encore terminée. Est-ce que tu peux nous dire voilà, où ça en est ? Je sais que vous avez eu une fois seulement par mois des négociations avec les responsables. Oui, oui. Donc, comment ça se passe maintenant ? Alors, nous, on a eu, aujourd'hui, c'est 85e jour de grève. Donc, on est sur pratiquement presque 3 mois. Et on a eu 3 négociations en tout. La première a eu lieu le 7 novembre. Oui. Et puis, donc, on est venu, on était quand même très contents parce qu'on s'est dit, bon, c'est une négo. Oui. Et ils nous proposaient une proposition qui n'a rien à voir avec nos revendications. Vu qu'on demandait l'intégration à l'hôtel, c'est-à-dire l'embauche directe des sous-traitants au parc Hayat, faire partie de leur effectif, eux, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé ? De prendre 15 femmes de chambre de chez nous, alors qu'on est quand même nombreux, hein, on est presque 60 grévistes, dont 10 de l'hôtel, donc à peu près 50 femmes de chambre équipiers gouvernantes en sous-traitance. Ils veulent prendre uniquement 15 femmes de chambre, et les embaucher en directement avec le groupe Hayat, mais hôtel Regency à Porte-Maillot. C'est-à-dire, ils nous disent, ça ne sera pas ici au Parc Hayat Vendôme, parce que Parc Hayat Vendôme restera en sous-traitance, mais puisque vous tenez à être embauché directement, on vous embauche dans un autre hôtel, groupe Hayat. Par contre, vous n'aurez pas le même salaire, parce qu'ici, vous êtes payé. Oui, c'est une espèce d'arnaque. Quand même, vu que Palace... Et là-bas, vous allez dans un 4 étoiles, donc voilà, c'est une arnaque. Et puis, moi, je l'ai pris qu'ils voulaient vraiment casser notre collectif, en fait. 35 personnes, alors qu'on est cinquantaine de salariés en sous-traitance en grève, je comprends pas, en fait. Voilà, c'est bien articulé, hein. Ils ont eu un mois en même temps pour réfléchir à faire ça. Et vous avez refusé, et ensuite, le mois d'octobre et novembre, un deuxième rendez-vous. Oui, c'était le 30 novembre. Donc, du coup, là, ça a évolué un petit peu. Ça a évolué parce qu'on, nous grévistes et la CGT qui nous soutient, donc, ils ont compris que l'OIAT ne lâcheront pas sur la question de l'intégration. Donc, on a essayé quand même de leur faire d'autres propositions. En fait, de tout simplement s'aligner à tous les avantages de l'hôtel. Parce que vu qu'on est en sous-traitance aujourd'hui, c'est-à-dire notre convention collective, oui, dépend du nettoyage. Donc aujourd'hui, la CGT leur demande de nous aligner avec les salariés de l'hôtel, avec, c'est-à-dire tous les avantages que la convention nationale de l'hôtellerie a, doit s'appliquer aussi aux sous-traitants du nettoyage. Et ils n'étaient pas fermes, je dirais même qu'ils étaient plutôt favorables, même si on n'a encore rien signé. D'accord. Mais sur le principe, ils n'étaient pas fermes. Donc voilà. Donc là, en ce moment, on est en train de faire les comparaisons des deux conventions. Et normalement, c'est quand même pas mal parce qu'on aura deux conventions collectives et qui s'appliquent à nous. Donc nous, les sous-traitants, on aura celle du nettoyage, où il y a quand même quelques avantages. Et donc vous avez, pour mieux comprendre, ça sera l'hôtel qui va payer en fait un peu plus votre entreprise de sous-traitance au lieu de vous intégrer avec les conditions qu'il y a pour les employés de l'hôtel. Voilà, normalement, oui, leur convention va s'appliquer à la nôtre. Donc oui, je pense qu'il y a certainement une histoire d'argent aussi, mais je pense qu'ils vont s'arranger, même s'il n'y a pas trop d'avancées, hein, mais c'est une question aussi de principe, qu'on doit tous, enfin on travaille sous le même toit, et on doit tous, oui, avoir plus ou moins les mêmes avantages. D'accord. Après, il y a eu aussi la question des 10 grévistes, hein, des salariés de l'hôtel, qui réclament pour le coup une augmentation de salaire. Parce que ils sont vraiment au plus bas. C'est-à-dire normalement les palaces à côté, sans nommer les noms, mais tous les palaces parisiens, quand un salarié commence, c'est-à-dire il commence déjà par un salaire de 1 800 €. Sauf qu'au parquet de Vendôme, bah, il les paye à 1 500 €. Donc, ouais, il y a quand même brut, hein. 23. Et brut, 23, hein. Oui. Il y a 23% de salaire en moins. C'est ça, c'est que ça fait penser un peu à la grève qu'il y a eu au Royal Monceau en fin 2014, où également ils ont demandé un alignement du salaire par rapport au Plaza Athénée, au Georges V, au Sofitel, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Meurice, voilà, et le Parquet de Vendôme est aussi un de ceux qui payent le moins, voilà, justement. Exactement. Donc là, et maintenant, voilà, maintenant, vous avez encore un rendez-vous, donc un mois après, donc là, à cette fin de semaine, c'est ça? Oui, alors vendredi prochain, normalement, bon, on a fait nos comparaisons, hein, le syndicat a fait un travail formidable là-dessus, on a envoyé à leur avocat, donc on attend, donc du coup, vendredi prochain, on attend, on verra si ça sera vraiment validé ou pas, on verra, voilà. Quel moyen vous mettez encore pour mettre encore un peu plus de pression, pour pouvoir arriver enfin à dégoter quelque chose au bout de 3 mois et à ce qu'ils répondent à vos revendications? Oui, nous, notre force aujourd'hui et nos moyens, c'est tout simplement de rester dans la rue et notre rapport de force, de rester unis dans la rue. Et c'est vrai qu'on fait pas mal de bruit, ça dérange un petit peu les boutiques de luxe à côté. Mais on n'a pas d'autre choix, c'est-à-dire à l'hôtel, ils ont fermé toutes les portes, on n'a pas accès. Donc aujourd'hui, il ne reste que la rue de la Paix et on fait nos tam-tams. On mange aussi, hein, parce qu'on mange tous les jours des plats chauds et c'est pas donné à tout le monde de manger devant le parquet à Vendôme. Et on danse, on chante, il y a une très très bonne ambiance, on est soudés, on est soutenu aussi par le syndicat parce que du coup il a une caisse de grève, donc on est payé, on a de quoi quand même tenir. Et aujourd'hui, ben on est là, on attend si ça se passe mal, bah, on continuera. Hein. De toute manière, on l'a dit avec le mégaphone, qu'au réveillon, on sera là, c'est-à-dire le 24, on sera sur le piquet de grève. Et puis le 25 à Noël, on sera là, le jour de l'an, l'année prochaine. Donc si ça, ils veulent pas signer un accord correct par rapport à nos revendications, eh ben, on tiendra le coup et on ira jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Voilà. Il n'y a pas d'autre alternative. Quand on est sorti dans la rue. Et deux mois et demi, bien sûr. C'est pour gagner et donc on gagnera dans tous les cas. Voilà. Ben on vous souhaite une victoire, hein, parce qu'au bout de, c'est ça, 88 jours. Ouais. Espérons qu'ils vont finir par céder. Et puis, on n'hésitera pas à relayer les informations sur la suite de votre mouvement ou de vous réinviter ou de vous rappeler en cette fin d'année, début d'année. Voilà, avec plaisir. Merci, okay. Merci. Merci, bonne soirée. Merci à vous, Noura. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Noura. Merci. Voilà, vous êtes toujours au fond près du radiateur. On va vous passer une petite musique avant de donner la parole à un prochain appel téléphonique. Trampando a contragosto, feliz ou oposto. Aposto que sei da dureza, que é a tristeza deformando o seu rosto. Se estalos parassem, se calos falassem, talvez o mundo escutasse, olhado o impasse, olhasse, limpasse, brilhava vocês. Bonjour, pras mina no fronte, que dor pra contar tem de monte. É tipo uma fonte dela, de fronte ela sonha com um novo horizonte. Trancada na cela ou numa favela, medo é foda, já. Pobre menina, sofre de verdade por toda a cidade, ainda mais porque a palavra liberdade é feminina. Guetos, becos e pretos, tristes como um blues. Mano, muçulmano, amor, islã. Assalamu alaikum, alaikum salam. Mil flow, mil dor, mil idioma. Mil cor, tipo índios mortos em Oklahoma. Tio por, servos de Roma. Frios por, natureza morta, portas goma. Legalité pour mon père, s'il vous plaît. Mil pra mim, mil pro select. Ma revolution é black, noir, check. Em matière, meilleur que é. Mater, me manque, c'est ma place. E o velho sonho, viver em paz, com o necessário, sem ter demais. Verde mais, verde mais, verde mais. Família. Même thème, cri du cœur, genre ça ira. Même refrain qui vient de ces zones amochées. Noisy LESC, zone à noche. Des vies décalées, des années. Que c'est l'alerte rouge comme condamné. D'étaler, s'en aller ou chialer. Jamais, plutôt qu'à l'aide. On entend crier sa mère. Pas année, ghetto couleur café. Non c'est pas gagné, si tu voulais taffer. Trop de parents, baron. Trop de casaniers qui tiendront baron. De plus que ça ira, ça ira. Se dit le brave type comme le scélérat. Pour le sale, papelas, même sort, même idée. Qu'on s'en sorte à l'espoir, tous fidèles. Ah, San Paolo, zone à Norche. Loisy, LESC. Ira. Si, si. Ira. Oh. Ira, ira, ira. Ghetto youth, faut pas stresser. Ici, MC, t'as fait, fait. Ira. Si, si. Ira. Oh. Ira, ira, ira. Que les ghettos salis, n'empêche que ça. Ira, ira, ira. Tous les ghettos savent que les ghettos salis, n'empêche que ça. Ira, ira, ira. Thank you. Rebonjour et rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur l'émission Au fond près du radiateur 106.3 FM. On a au téléphone Mathilde, une militante qu'on a rencontrée il y a 3 semaines je crois, qui va nous parler de tout ce qui s'est passé en banlieue, notamment au niveau de tout ce qui était blocage, etc. T'es là Mathilde ? Oui, bonsoir. Ça va ? Oui, ça va bien, merci. T'as passé une bonne journée ? Oui, ça peut aller. Okay. Ah, t'étais encore au niveau de Coigna ou pas ? Ou t'as bougé un petit peu ? Alors, aujourd'hui, non, parce qu'en fait, on a été délogés. Suite à notre dernière rencontre, on a été délogés par les CRS, assez violemment, on va dire. Voilà, avec des méthodes assez forcées. Et du coup, on s'est réorganisé pour le réinstaller, effectivement. Donc là, il est en cours encore d'installation. On a commencé cette nuit, donc moi j'y suis pas allée pour le moment, mais il est en cours de réinstallation pour rebloquer à nouveau. Ok, et du coup tu peux nous dire comment ça a commencé la semaine dernière, ce qui avait été mis en place, etc. Ben en fait, donc Coignières c'est au niveau d'un dépôt d'essence, donc c'est là que les camions citernes viennent récupérer l'essence pour alimenter les différentes stations-service de la région. Donc on a fait un blocage total parce que c'était en accord avec le maire de la ville et les services de police municipale, donc qui étaient présents sur les lieux avec nous pour voilà voir que ça se passe bien de tous les partis. Donc c'est ça, on avait plus ou moins l'accord, mais un accord de filtrage, pas de barrage total. Donc on avait respecté ça, sauf que avec les nouveaux ordres voilà qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur, a fait qu'ils ont été obligés c'est les CRS eux-mêmes qui se sont déplacés pour déloger le filtrage. Donc nous, on s'était organisé finalement en petits groupes par rapport à notre situation géographique et on avait décidé de faire cette action puisque c'est une action plutôt symbolique comme c'était un dépôt d'essence. Ok, donc du coup, tu as dit que la police municipale était avec vous ? La police municipale était présente 24 okay. sur 24 avec nous. Donc, il y avait une voiture en faction qui surveillait qu'il n'y ait pas de problème. Oui, que tout se passe bien. Qu'on n'allait pas trop loin, que ça se passait bien. Et vice-versa, qu'il n'y ait pas de problème avec la population, le reste de la population. Et avec la population, ça se passait comment à leur retour ? Ils étaient, On va dire à 95%, ça se passait très bien. Soit les gens étaient vraiment à fond avec nous et solidaires et ouais. Il y avait un super échange. Soit on avait des gens qui comprenaient tout à fait, qui disaient il n'y a aucun problème, de toute façon c'est pas les 5 minutes que je vais être en retard au travail qui va changer la face du monde, donc il n'y avait pas de souci. Et puis il y avait toujours les irréductibles, on va dire, qui eux, non, leur priorité c'était leur mission et qui étaient prêts même à nous foncer dessus en voiture, etc., à prendre des sens interdits, voilà, à mettre d'autres personnes en danger. Ah ouais, violent quand même. Et population normale pour pouvoir eux voilà, faire ce qu'ils avaient à faire. Ok. Et est-ce que vous avez reçu un peu d'aide ? Du coup, garantissez un petit peu ça aussi, rappeler à l'ordre aux gens que, okay, effectivement, peut-être on les embêtait, mais qu'ils ne pouvaient pas, en l'occurrence, mettre en danger la vie de ouais, tous quand même. Ouais, renverser quelqu'un pour ça, mais bon. Voilà, surtout qu'il y a eu des précédents, donc. Ok, ok. Elle était assez vigilante. Ok. Et est-ce que vous avez reçu un peu d'aide ? Je parlais de solidarité. De la population ? Ouais. Ah ben, énormément. Ça a été. Franchement, je pense que c'est vraiment ce qu'ils pensent les Gilets jaunes actuellement. C'est qu'il y a un élan de solidarité entre les gens, c'est ça fait du bien de finalement se dire que ben, l'être humain est foncièrement bon et qu'en cas de galère, eh ben, on se renforce les uns les autres. Parce que j'ai vu des scènes hallucinantes de gens se déplacer. Donc, le site où on était, c'était quand même dans une zone industrielle, ouais, entre nous, etc. Donc, c'est pas le lieu de passage privilégié de la population en général. Mais des gens se déplaçaient spécialement pour nous apporter de la nourriture, ah, c'est top. Des chocolats. Il y avait une petite mamie avec son mari, comme elle m'a dit, moi je suis trop fatiguée, c'est compliqué pour moi, mais moi j'ai des légumes du jardin et elle nous préparait la soupe, elle faisait de la soupe chaude tous les soirs. Ok, c'est top, c'est top. Sa voiture. C'était vraiment, on a l'impression, oui, de vivre pratiquement au resto du cœur, parce que c'est une solidarité où chacun amène sa pièce, son petit peu, mais qu'à la finale tout le monde mange et tout le monde participe à la vie collective, voilà. C'était vraiment magique, presque. Ah, c'est top. Moi, j'ai été vraiment très, très surprise. C'est pour ça que j'aime beaucoup, finalement, le terrain. C'est que j'ai été très surprise de la réaction des gens, de l'échange et de l'ouverture. Et finalement, on se rend compte qu'on passe notre temps à ne pas se parler et à avancer parce ouais, qu'on est chargé de choses à faire. Et que finalement, on ne prend pas le temps de partager avec les gens des choses basiques, mais qui sont géniales, quoi. Et est-ce on que... retrouve Pardon. Ça finalement sur le rond-point. Excuse-moi. Et est-ce que toi, parce que du coup, c'est aussi vu en manif sur Paris, ouais. Est-ce que tu as ressenti un peu la même chose Alors, j'ai ressenti la même chose, mais plus dans l'élan d'avoir une motivation commune, ouais. D'avoir des idéaux communs, d'avoir des volontés communes. Oui, après, les manifestations, en plus, c'est Paris. Paris, c'est, je pense, un peu spécial par rapport à la province. C'est le lieu un peu névralgique de tout, du pouvoir, de la population. Donc, il fait que c'est toujours un peu plus dans l'action. Voilà. Ouais. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, les trois, quatre, je ne sais même plus où on en est, les quatre premières, c'était vraiment l'action, la revendication, on n'est pas content. Voilà. Après, on a vu comment l'opinion publique a été manipulée par rapport aux débordements, qui sont quelque part fondement inévitables, parce que quand on met les gens en colère, la colère s'exprime comment ? C'est des mécanismes logiques. Du coup, on a voulu faire quelque chose et de par leur encadrement, il y a eu quelque chose de beaucoup plus pacifique la dernière fois. Et ça nous est retourné aussi dans l'autre sens où maintenant le mouvement s'essouffle, ouais. Voilà, tout le monde est satisfait, tout le monde rentre dans les chaumières et qu'on ne parle plus de personne. T'as l'impression que le mouvement s'essouffle ou t'as l'impression que on essaie de au contraire de faire croire qu'il s'essouffle et on essaie de l'imiter. Manipulation médiatique. Ouais, ouais, ouais. Purement et dur. Parce que quand vous voyez les vidéos qui sont partagées de gens lambda, vous voyez le nombre de populations, je ne sais pas comment ils font leur comptage. Quand vous avez même les témoignages maintenant des policiers qui disent que les comptages sont complètement faux. Bon, maintenant, ça fait que... Ce que je veux dire, c'est que les jours passants, malheureusement pour lui, c'est que les pièces, ça porte au dossier et que c'est plus trop défendable. Ouais. Ce qu'ils veulent encore défendre n'est plus trop défendable. Donc finalement, je ne pense pas que ça va arrêter la colère des gens parce que les gens ont malheureusement leur esprit maintenant focalisé là-dessus. Ce qu'ils n'avaient pas du tout avant. Donc ça change, pour moi, la donne. Oui, je suis totalement d'accord. Et que tout le monde s'en parle, en plus, c'est pas chacun dans notre coin qu'on se dit « il y a un problème », c'est que chacun constate, et que ça fait une chaîne de constatation de problème, là, on se dit « non, il faut agir ». Et... le mouvement s'essouffle. Après, je pense il s'essouffle pas du tout. Nous, samedi, on a vu que... Dans finalement, parce qu'ils mettent les moyens pour que ça s'essouffle. Bah, t'as bien vu ce qui s'est passé samedi avec les 54 stations, les camps qu'on a détruits. On puisse même pas accéder aux portes de Paris. Bon, c'est plus facile, effectivement, quand on enlève le droit de manifester, qu'il n'y ait pas de manifestants. C'est encore une logique. Et par rapport à l'appel qui a été lancé, donc de déloger tous les barrages et tous les camps, vous, ça a été très violent ce matin. Non, c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours que vous avez été déloger ? Pardon. Mm-hmm. Ok. Ça a été très violent et vous avez quand même prévu de reconstruire au même endroit ? On aurait pu estimer que quelqu'un vient nous dire, écoutez, ou quelqu'un même de la mairie avec qui on a eu des accords, la police municipale, de nous dire, bon, écoutez, là, ça ne le fait pas, on a eu des ordres, machin, essayer de partir, au moins déjà de nous-mêmes. Ouais. Essayer de voir de nous-mêmes, sans nous envoyer tout de suite les CRS, tout de suite tout détruire, on ne peut même pas récupérer nos affaires, donc tout ça. Ah ouais. La nourriture, du coup, ça fait des heurts, en disant, mais attendez, laissez-nous au moins démonter les affaires, on veut bien partir, mais... Et tout ça fait que ça engendre toujours pareil de la colère. Oui, c'est ça. Qui fait qu'à un moment, eh ben, y a des mots, des choses qui se passent. Et à peine il y a un petit débordement, un regard de trop ou quoi, eh ben, c'est les gaz lacrymogènes. Ouais, ça gaze. Et... Voilà, c'est des arrestations, ils relèvent les plaques de matriculation des voitures. Ah oui, quand même. Ah oui, non, mais c'est depuis le début. Moi, je vois, j'ai mon compte Facebook qui est bloqué. C'est... Voilà. Ton compte Facebook a été bloqué A été bloqué, je peux plus. Alors, je peux consulter, mais je peux plus rien partager, je peux plus rien commenter. Voilà. J'ai voulu partager la photo De ce qui se passait, De policiers voltigeurs qui étaient sur Paris. Ok, waouh. Et les voltigeurs, il faut savoir que quand même, Genève les a interdits depuis 1986, depuis la mort de Malik Poussekine. Ouais, mais qui est mort à cause d'un voltigeur. Donc c'est des méthodes qui sont interdites. Mais de toute façon, ils n'arrêtent pas d'utiliser des méthodes interdites depuis le début des manifs. Hein. Voilà, donc il y a un moment, on se dit, c'est pas possible. Ouais. Que ce soit légal ou pas légal, le peuple, à un moment, on parle de survie, là. On parle plus de politique, de taxes. Là, on en est arrivé à ce stade, au bout de 4 semaines, presque de survie. Là, maintenant, si on veut pas se faire buter dans la rue ou machin parce qu'on n'a pas un délit de faciès ou parce qu'on a un gilet jaune ou quoi, voilà. Pour moi, c'est limite de la dictature, quoi. Ouais, c'est totalement ce qu'on a ressenti samedi et ce qui est en train de... Bah, par exemple, nous, samedi, on était quoi, rue de Rennes ou boulevard Saint-Germain, je crois. Et en fait, manifestation totalement en paix. Il y avait une fanfare, c'était super sympa. Tu t'es rencontré, bien sûr. Du coup, je sais plus. Quand on a levé les mains et que, en signe de paix, et qu'ils ont commencé à gâter tout le monde et que les baqueux sont venus et qu'ils ont mis des gros coups de matraque, qu'ils ont frappé pas mal de monde. alors qu'il y avait des enfants, enfin il y avait plein de gens dans la rue, il y avait aucune raison, il y avait aucune violence, aucune dégradation. C'est là qu'on s'est dit en fait, on n'a même pas le droit de manifester, t'as même pas le droit de marcher. Et ils frappaient même les gens qui avaient juste un gilet jaune en fait. Donc si tu pouvais passer par là, même si tu faisais pas partie du cortège, tu te faisais clairement péter la gueule quoi. Voilà. Et voilà, on se dit voilà dans quel voilà, moi j'ai vu des choses quand même. Je veux bien effectivement prendre en considération que quand je fais un blocage, je ne suis pas, on va dire, entre guillemets, dans la légalité et que je le conçois tout à fait. Mais quand on vous demande de vous mettre sur le trottoir et que je me mets sur le trottoir sagement et que là, on vous dit non, vous dégagez, je lui dis, mais attendez, on n'est pas dans un espace privé. On m'a dit non, vous êtes dans un espace public. Je suis sur le trottoir. Oui, je suis piéton. Ouais. Ah non, ils s'en foutent. On peut encore partir. Donc à ce moment-là, on n'a même plus le droit d'être dans la rue parce qu'on dérange. Parce que ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Ou quand je regarde quelqu'un à la manifestation, parce que je trouve effectivement son comportement peut-être particulier par rapport au reste des gens qui sont là, et qu'on me demande violemment de baisser la tête sous la menace de me prendre une calotte, bah, je lui dis, ben, frère, je suis désolé, t'es grillé tout seul. Mm. Parce qu'il n'y a aucun manifestant qui me parle comme ça. J'avais une question, c'est par rapport à toutes ces revendications qui sont plurielles, et aussi... il faut quand même le noter, c'est qu'il y a un peu beaucoup de gens et de différents courants aussi politiques. Mmh. Et qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui est autour de revendications, de référendums, des choses comme ça ? Alors c'est vrai que moi, de par ma position, je ne suis pas politicard, je ne suis pas économiste, je ne suis pas tout ça. Donc je prends vraiment aussi les choses à mon niveau, on va dire, de compréhension. Mais pour ce que j'en sais, c'est effectivement que... cette chose-là peut être effectivement une étape pour rétablir les choses actuelles. C'est vrai qu'il y a énormément de revendications. C'est vrai que effectivement, chaque être humain a sa propre revendication finalement, mais que finalement le gilet jaune, quand il parle sur le terrain ou avec le reste de la population, la chose finale qu'il ressent, c'est cette chose de mal-être, de se dire mais est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce que c'est juste être là, naître, on nous éduque, on nous fait travailler, et après on nous laisse crever comme ça, voilà. On a cette impression peut-être d'être un peu esclave, vous voyez. Et du coup, chacun va exprimer à sa manière, parce que chacun exprime les choses à sa manière et à son niveau. Donc entre la revendication d'une personne qui va parler juste de sa retraite, etc., parce que c'est ce qui l'impacte le plus, mais à la finale, c'est toujours... ce mal-être de ne pas se sentir reconnu en tant que personne. On est dans une société, on doit être reconnu dans la société. Donc, vous avez l'impression que dans cette société, vous n'êtes pas reconnu. Par contre, il y a quand même une réalité sur Paris qui est, depuis le début, l'arrivée de petites milices fachos qui sont bien présentes. Donc ça, c'est une vraie réalité aussi qu'on ne peut pas nier. Je veux dire, et dans certains endroits, dans le sud de la France, les revendications, c'est aussi le fait de la question des immigrés. Une des choses aussi qu'on s'est aperçu, c'est qu'avec l'attentat de Strasbourg, ils ont cherché et effectivement à faire quelque chose qui est malheureusement très connu aujourd'hui, qui est au travers d'attentats qui sont horribles, on est bien d'accord, de passer ça devant. Et une des choses qu'on a vues à l'opéra, c'est la Marseillaise, le drapeau bleu, blanc, rouge partout. Et clairement, là, on peut dire que c'était un peu autour de l'extrême droite qui était présente. Et ça, ça pose question, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as raison de dire la question, c'est la survie. Parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre des minima sociaux. Les salaires majoritairement en France, plus de 50% des salaires, c'est à peine le SMIC. Donc ça dit quelque chose de comment on survit. Même si on a un peu plus, on nous taxe tellement, on nous prend tellement, on a tellement d'obligations d'autre côté que de toute façon, même avec un peu plus, on s'en sort pas. C'est ça qui est même... On peut même pas... Donc il faut, ça inclut encore plus de gens dans la population. Parce que moi, je peux vous dire, je parle avec des gens, tous les gilets jaunes que j'ai côtoyés, il n'y en a pas un qui est chômeur. Malheureusement, c'est la réalité. Et j'ai des profs de maths, j'ai des assistantes commerciales, j'ai des anciens militaires, j'ai de tout. C'est pour ça qu'effectivement... Et là où je vous dis que, effectivement, je pense qu'aussi il y a aussi pareil, c'est un jeu médiatique et c'est la perception de chacun, parce que j'ai eu différents rapports et questionnements de différents gilets jaunes ou personnes qui étaient là pour manifester. Mais la question, et un moment où on se pose tous, c'est qu'il y a un moment dans ce pays, on sait qu'il y a des courants d'extrême droite, on sait qu'il y a des ultra-gauches, on sait qu'il y a des ultra-religieux, des ceci. Mais il y a un moment quand celui-là est dans la rue, au même moment que celui-là, et qu'ils sont même prêts à combattre autre chose ensemble, là on se dit, attends, il y a un problème. C'est que déjà, le combat, il est commun. Là, c'est plus la petite guerre interne, c'est une autre guerre qu'on mène. Et c'est pour ça que je pense que ce mouvement est fort, c'est que moi, je peux vous dire qu'il y a des gens avec qui j'avais jamais parlé, et j'ai parlé aussi bien avec des gars de cité que des chefs d'entreprise, que des avocates, et ça, et vous voyez, il y a des gens de tout mouvement. Mais parce que quand on est là, on n'est pas là, on ne parle pas d'idées politiques. D'accord. Pas, ouais, alors, c'est Marine Le Pen qui a raison, c'est eux qui sont mieux, ou c'est le catholique qui a raison. On n'est pas dans ça. Là, on revient, moi, en tout cas, ce que j'ai partagé moi, personnellement, c'est on revient à la base, on est des êtres humains. Peu importe nos courants, c'est juste la survie de l'être humain. Là, on ne peut pas en arriver à être juste des pions qu'on utilise dans le monde pour. Parce que ce qu'on vit en France, ce n'est pas que en France, c'est ça aussi. Bah c'est écoute, il y a eu le printemps arabe, il y a des choses qui sont passées. On peut pas bah écoute, je te remercie pour ce témoignage qui donne un indicateur un peu de l'état d'esprit de ce qui se passe aujourd'hui. Et je sais pas si tu aurais un dernier mot avant, qu'on continue. Bah moi, je voulais dire mon dernier mot, ce serait que je suis fière. Je suis fière aujourd'hui de faire partie de ces gens. Qui ont envie et qui se réveillent en disant non, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de voir ce que c'est la vraie vie, pas juste être là pour faire marcher des lobbies. Je ne sais pas comment l'expliquer, pour faire marcher des systèmes économiques. Ben écoute, je te remercie. Et merci, du coup, ouais, merci beaucoup pour ton appel. Ouais. Bon courage si, pour quand vous allez recommencer à bloquer. Bon courage et. C'est bloqué, oui, et puis peut-être à samedi. Parce que ça marche. Voilà. Voilà, moi je pense aussi, je pense que je donne l'information pour ceux qui s'intéressent à l'antenne, parce que moi je trouve la démarche, en tout cas moi, intéressante dans mon point de vue, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les syndicats de police se sont mis en grève, certains syndicats de police, et ils appellent à manifester, quoi, eux-mêmes vont manifester, eux et leurs femmes, jeudi soir sur Paris, devant le commissariat de 8e, et ils annoncent une marche sur les Champs-Élysées. Et j'ai vu un appel de certains syndicats qui demandaient à tous les gyrophares, donc les amis, les pompiers, les ambulanciers, etc., et aux gilets jaunes de se rallier parce que c'était une cause commune. Voilà. Ça marche, ouais, on avait passé l'info. Une autre dimension. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Voilà. Merci pour ton appel. Bonne soirée. Des bisous. Bonne soirée. Peut-être merci, à samedi. Au revoir. Bonjour, bonsoir. Vous êtes toujours dans l'émission Au fond, près du radiateur, 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. Et vous avez eu un témoignage d'une personne qui a participé et qui participe à ce mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, même si, faut le dire très clairement, ici, on n'adhère pas à tout ce qui est dit. Notamment, on n'appelle pas, on n'est pas derrière les grèves de la police parce que c'est très dangereux. Quand la police manifeste, j'ai envie de vous dire, prenez un billet d'avion, voilà, parce qu'on sait ce que ça peut arriver, Pinochet, etc. Et je pense que c'est très intéressant de voir les images en vidéo, comment ils ont attrapé des étudiants lycéens dans le 93. Ça faisait vraiment penser à quelque chose d'une période de Pinochet. Intéressant aussi de voir qu'effectivement, ce mouvement est vaste. Effectivement, il pose des questions qui sont élémentaires, le droit de vivre. Comment on peut vivre avec, avec si peu d'argent ou pas de revenus. L'autre critique, c'est qu'effectivement, les chômeurs ont le droit de manifester. Et ils sont présents. Et ce sont des acteurs de la vie, puisqu'il y a 5 millions de chômeurs. On ne voit pas pourquoi les chômeurs ne pourraient pas être des acteurs de la vie. Autre chose, c'est que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un des trucs qu'on va essayer de dire, c'est que effectivement c'est intéressant le paradoxe entre cette camarade qui fait grève à l'hôtel dans un lieu bien précis où on détermine quelque chose, ouais, et un mouvement vaste où on peut passer du petit patron qui vote limite FN au salarié pauvre qui voilà, donc ça va dans tous les sens et c'est vrai que c'est pour ça que ce mouvement est questionne. Moi, je ne suis pas gilet jaune, je suis d'abord militant communiste. Ouais. Et deuxième chose, je suis salarié d'un lieu. C'est ce qui me détermine. Et effectivement, la misère sociale, c'est aussi de vivre au chômage, sans revenu. Et à juste titre, ça touche. Mais comment se mobiliser, comment s'organiser quand on n'a pas de lieu où on peut s'organiser. Et c'est tout là où c'est le samedi et c'est pas dans les lieux qui sont les lycées, qui sont les entreprises salariales. Aujourd'hui, il n'y a pas ce mouvement-là. Et c'est vrai que ça fait... toi, tu utilisais le mot Pierre, il utilisait le mot jacquerie. C'est intéressant d'entendre ça. Et à vous de réagir parce que voilà, j'ai vu quelques points. Tu veux... Vas-y. Bah non, mais moi sur les, moi je pense qu'il y a ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a c'est la dimension, enfin ce qui me semble très précieux dans ce mouvement-là, c'est un peu la question géographique, parce que moi je suis d'accord avec toi, Mouloud, sur la question du soutien à la police, sur l'influence de l'extrême droite par endroit. Mais en fait, ce qu'on peut constater, ce qu'on a déjà constaté, moi je suis vraiment pas le premier à le dire, c'est que c'est un mouvement qui est profondément hétérogène, qui se conduit pas de la même manière selon les zones. Totalement. Mais par contre, sa caractéristique commune, c'est que c'est un mouvement qui vient pas des grands centres urbains, qui vient pas des métropoles, et donc du coup il y a un sujet politique qui s'impose et qui échappe à nos on va dire aux représentations et aux cadres militants de la gauche, quoi. Et ça, moi je dirais que c'est plutôt tant mieux. Pour une anecdote personnelle, j'ai grandi dans le 91 dans un petit village, ouais, qui est au bord de Corbeil-sur-Essonne et des dernières grandes banlieues. Dans ce petit village, j'ai ma bande de copains depuis toujours. Moi, je suis parti à Paris à l'adolescence. J'ai commencé à militer. Je leur ai parlé de politique depuis 10-15 ans. Les deux derniers samedis, c'est eux qui m'ont appelé pour me demander où j'étais, quoi. Okay. Et ils avaient vraiment une raison propre de venir. Il y avait quelque chose qui... Paf, c'est crise. Et ils sont venus à Paris, ils sont apparus à Paris. D'ailleurs, stratégiquement, la question de comment faire quand on ne peut plus aller sur les Champs-Élysées... pour continuer le mouvement, elle se pose, quoi. Bah, le truc, c'est que samedi-là, nous, on avait vu sur pas mal de sites où l'appel, c'était plus d'aller sur les Champs-Élysées, mais en fait, d'aller à plusieurs d'autres points de ralliement dans Paris, en fait, de prendre tout Paris, parce que les Champs, ça devenait trop dangereux, etc. Et puis même, les Champs, ils sont là depuis 3 semaines. Et en gros, il y a eu pas mal de rassemblements. Il y en avait prévu à Opéra, à Salas, enfin, à Répu, un peu partout. Sauf que, pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, 54 stations de métro et RER ont été totalement fermées. Donc en fait, moi je sais que je partais de Boulogne le matin, j'ai dû prendre un train, aller à Austerlitz, enfin des galères de pas possible. Ouais. Et voilà, donc ça, c'était histoire de dissuader les gens, en fait. Ne venez plus sur Paris, parce que de toute façon, on ferme tout. En périphérie, c'est pareil, il y avait masse de contrôle. Et enfin, voilà, quoi, c'était très... Ben oui, parce que même plus que pour les Parisiens, ouais, c'est interdire l'accès à mais la ville. Mais ouais, parce qu'au-delà de ça, au-delà de... Enfin, toi, que tu bloques une ligne, genre autour des Champs-Élysées, ok, je peux comprendre. Mais là, vraiment, 54 stations dans tout Paris, ça veut dire que même une personne qui ne vient pas militer, mais qui veut se promener, ne peut pas. Tu peux pas aller bosser, tu l'as payé ton Uber, les bus vont pas circuler, donc tu te... Et ça, ils s'en battent les couilles. Vraiment, le but, c'est de faire faire croire qu'en fait, il n'y a plus personne qui se mobilise et de totalement casser les groupes et de réduire, réduire le truc. Mais je crois que l'objet politique doit être re-questionné aujourd'hui. Et c'est vrai depuis, je vais faire mon vieux communiste, etc. mais depuis la fin de l'Union soviétique, comment la classe ouvrière a subi de telles défaites? Pour le code du travail, on a perdu, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand même, l'un des piliers de ce qu'on pensait qu'était la SNCF avec ce statut, et on se disait si les cheminots se mettent en grève, ça va bousculer effectivement et booster plein de gens. Ça a été aussi malheureusement une défaite. Donc on a une situation comme ça. Et la deuxième chose, et ça c'est les deuxièmes choses, c'est que effectivement tu as une pauvreté qui est là, présente partout, présente. Et c'est vrai qu'une simple augmentation, effectivement, il n'y a pas que la classe ouvrière qui est aujourd'hui impactée. Et c'est pour ça que la question de, à un moment donné, comment tu es représenté, où tu es socialement. Est en train d'être, en tout cas là, et aujourd'hui, elle est posée. Parce qu'effectivement, le discours de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon sur toute une série de choses sont très comparables. National-socialisme, c'est ça, c'est autour d'une colère bien réelle, autour d'une situation où les gens sont ruinés. Voilà, toutes les descriptions, c'est assez impressionnant. Face à un gouvernement droit dans ses bottes, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est nouveau comme mouvement. Et je voudrais quand même rappeler, et c'est ça qui m'interroge depuis le début, c'est ce qui s'est passé en Italie avec le mouvement 5 étoiles, où il y a eu cette formation où a priori c'était quelque chose de nouveau, plutôt, j'ai pas bien suivi, je suis désolé, mais ce mouvement de 5 étoiles, qui était, en fin de compte, on partait du peuple. Le peuple, déjà, c'est une notion très vaste, n'oubliez pas ça, ça va du grand artisan au mec au chômage, donc c'est carrément un étendard, voilà, qui va de gauche à l'extrême droite, à l'extrême gauche, en termes de projet de vie. La question aujourd'hui qui est où on va, et cette question, elle peut être aussi résolue par la possibilité maintenant que les cheminots, que les lycéens, que, etc., se mettent dans leur lieu de travail, en grève, et qui arrête la production. Parce que sinon, eh bien, ça va s'arrêter, ce sera à froid, et la vraie question, c'est quoi la perspective? Il y a des élections, on parle de référendum, encore une fois, si demain on fait un référendum à froid sur la PMA, le gouvernement peut proposer ça, comme saloperie, eh bien, je peux vous assurer que Macron va se cacher derrière ça pour dire, regardez, ce sont que des bandes de fachos. Et c'est de ça qu'on a... cette démocratisation, c'est pas la démocratie ouvrière, c'est pas la démocratie des travailleurs, où c'est dans leur lieu de vie qui décident. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Sinon, on va... Et c'est pas par hasard, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, les fachos avec nous, ou les flics avec nous, qu'on a entendu. C'est-à-dire que ça doit nous dire, attendez là, ok, c'est bien de se révolter, c'est bien de manifester, c'est important, parce qu'on devient acteur, ouais. Sauf qu'à un moment donné, avec qui on s'allie? Et ouais. Ça, c'est ça qui... Moi, je veux dire, ouais. Voir les images de l'opéra, avec les mecs qui saluent, je sais pas trop quoi, ça devient spécial. Maintenant, ce n'est pas le reflet de partout. Non, j'ai parlé avec des flics samedi, parce que je suis arrivée à l'opéra. Et en fait, moi, j'étais... du coup, je suis là avec mon appareil photo, en mode presse, etc. Et j'avais pas de jaune, tu vois, je suis tout en noir. Et franchement, ils m'ont pas calculé, aucune remarque, etc. Et là, t'as un couple qui passe, et t'as un mec qui passe, mais pancarte et gilet jaune. Et t'as un mec qui se fait tabasser, mais vraiment, genre, gros coup de matraque. Moi, je mais c'est quoi ce délire? Enfin, j'insulte le cul, genre, mais t'es fou. Et à aucun moment, il y a eu, tu vois, j'ai senti la colère parce que, en fait, clairement, j'étais pas gilet jaune, tu vois. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, meuf, va discuter avec un keuf qui est au loin. Et je lui ai dit, mais là, je comprends pas ce qui s'est passé. Genre, vous avez reçu l'ordre, clairement, de mater les militants, tu vois. Et il m'a regardé, il a pas répondu, donc il a pas dit oui ou non. Il m'a regardé en faisant une tête un peu chelou. Je pense ça pour un oui parce que vous avez pas le droit de répondre, tu vois. Il a un peu acquiescé discrètement. Et après, du coup, je lui ai dit, mais vous en avez pas marre, en fait, ça fait presque un mois, vous êtes quand même mobilisé. Enfin, vous avez pas l'impression d'être un peu le toutou du gouvernement, tu vois. Et pareil, c'est. En tout cas, on reviendra sur mai 68. Donc, quel est le rôle de la police? Non, je pense que en vrai, franchement, ceux qui. Si certains ont une prise de conscience et qui veulent manifester, qu'ils le fassent. Moi, personnellement, j'irai pas manifester avec eux. Mais qu'ils le fassent et que ça fasse quelque chose, ok. Mais après, comme tu dis, à voir avec qui tu vas manifester. J'ai vu des fachos samedi dans un des cortèges. Je fais, les gars, moi, je marche pas avec vous, tu vois. Clairement, en plus, je l'ai un peu embrouillé, donc j'étais là. Oui, National et voilà. Bio, c'est. Je fais, les gars, je marche pas trop avec vous. C'était quoi? C'était Gaulois et Fier? Ok. Oui, là, lâche l'affaire. Genre, mec, voilà. Je pense que juste rappeler qu'il y a beaucoup eu depuis 5 semaines, beaucoup d'arrestations, ouais. Et qu'on est solidaire avec toutes les personnes qui sont arrêtées. C'est très classique. Comment casser un mouvement en arrêtant, en m'entraquant, comment en arrêter mais aussi. Tu vois, ce qui est beau, je te disais de te couper la parole, oui. Mais ce qui est cool, c'est que moi, quand je vois les lycéens maintenant, ça les a pas ralentis. Quand je vois les étudiants, ça les a pas ralentis. Quand ils ont vu ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, pour les flics, je pense que dans leur tête, c'était regarder. On va leur montrer qu'on peut être, entre guillemets, dans l'humiliation, dans la répression, tout le reste. Ils vont se calmer. Les mecs, en fait, se sont dit clairement non, ça c'est pas possible, c'est le truc de trop. Et en fait, on va pas fermer nos gueules. Et je me dis que quand t'as 18 ans, tu penses déjà comme ça, à 17 ans, t'es déjà comme ça. Franchement, je suis pleine d'espoir. Oui. C'est parce que je suis utopiste, tu vois. Mais non, c'est parce qu'un mouvement social commence aussi par la jeunesse. Et la meilleure preuve, c'était mai 68. On commence par quelque chose, on commence par une répression. Maintenant, on va faire peut-être une petite pause musicale et on va revenir peut-être par l'appel, voilà. Ou alors, on passera directement ce retour en arrière autour de ce que était une période historique. Et c'est bien de rappeler aussi qu'il y a eu un mouvement social révolutionnaire à un moment donné, pré-révolutionnaire. Et là, ça donne, j'ai dire, une référence de ce que est un mouvement social. Voilà, la musique, et on revient. March to June, I was dying for you. I got burned. I got burned. March to June. Bonjour, bonsoir, vous êtes encore en direct sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Au fond près du radiateur. Et là, on a une appel d'un camarade sur la manifestation. Voilà, tu peux nous parler? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Allô, bonsoir. Oui. Vous êtes en direct. Bah, bonsoir. Bonsoir. On est content? Ouais. On est dans la manif, là. D'accord. Et c'est quoi les revendications? Vous pouvez expliquer ce que c'est? Bah, les revendications qu'on avait quand on a fait l'action, donc, j'appelle debout en occupant la Comédie Française. Oui. Le Parvis, parce qu'on n'a pas pu rentrer. D'accord. Avec à peu près 450 personnes. De d'accord. La rue et de différents foyers. Oui. C'était des papiers, des logements pour tout le monde. Et on voulait pour ça un rendez-vous avec la préfecture qu'on a obtenu hier. D'accord. Et aujourd'hui, on a eu une lettre qui nous a proposé un rendez-vous pour fin janvier pour négocier. Donc voilà, je vais vous passer quelqu'un qui a participé à l'action. D'accord. De quel foyer il vient et combien ils étaient et comment s'est passée l'action. D'accord. Donc voilà, il y a eu une tentative de répression de la police. Ouais. Deux blessés au début, mais après ça s'est bien passé. D'accord. Ah, bonjour. Bonjour, bonsoir. Vous êtes en direct. Allô? Donc c'est ça les aléas du direct, c'est qu'effectivement, là on est dans la manifestation du 18 décembre, visiblement, et par rapport à l'accès aux droits des travailleurs migrants, paraît-il, voilà. Allô? Allô? On vous entend pas? Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause musicale. Et si la personne rappelle, eh bien, on va revenir sur ça. Et sachez qu'effectivement, il y a un mouvement aujourd'hui pour l'accès aux droits des migrants. Il y a ce rendez-vous à la préfecture. C'est important. Maintenant, faut savoir qu'un rendez-vous à la préfecture, ce n'est pas la régularisation des sans-papiers. C'est juste regarder aussi le dossier. Et s'ils le font un par un, ça, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, c'est un début de reconnaissance. Et c'est vrai que depuis pratiquement Saint-Bernard, donc ça remonte, le mouvement pour l'accès aux droits des travailleurs et des travailleuses, c'est quelque chose qui est continuel aujourd'hui. Secretly lost in the way that you found. Secretly lost in the way that you found. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors, là, vous nous entendez ? Ouais, on vous entend, mais apparemment, on va peut-être venir vous voir. Ce serait plus simple d'expliquer, etc. Et en tout cas, sachez qu'on relaye vos luttes, et c'est important. Et à très bientôt, en tout cas. Parce que malheureusement, voilà, le direct, des fois, c'est pas évident. Et en tout cas, bonne lutte. Et on vous suit. Et n'hésitez pas, en tout cas, à rappeler. Et on vous souhaite un bon combat. Voilà. Merci, vous aussi. Studio, I was dying for you. Close to soon. And I wanted more, yeah. Why should I have to fight for you? Bonjour, bonsoir, vous êtes toujours dans l'émission Au fond près du radiateur avec cette musique de fond. Voilà, donc on reprend l'antenne. Voilà, et donc on va finir sur le cinéma militant autour de cinéma d'aujourd'hui. Et Pierre, tu vas nous parler un peu de qu'est-ce qui se faisait dans cette période de mai 68 ou après mai 68 et de parler effectivement du cinéma, documentaire ou pas. Voilà, et faut savoir que mai 68, c'était une grève générale qui a posé la question à un moment donné du pouvoir direct. Est-ce que c'est la classe ouvrière qui dirige ou est-ce que c'était Monsieur de Gaulle ? Et au travers de ça, il s'est passé plein de choses, de créations, etc. Et c'est à toi l'antenne. Voilà, Pierre. Merci Mouloud. Et d'ailleurs, il faut rappeler que 68, à chaque fois, on en parle comme d'un mouvement étudiant, mais que c'est aussi, voire même avant tout, un mouvement ouvrier. Oui, c'est important de le dire. Voilà, et aussi d'ailleurs, qu'il n'a pas eu lieu que à Paris, parce qu'on a toujours cette vision très parisiano-centrée qui est heureusement remise en cause aujourd'hui par les Gilets jaunes, mais ce mouvement a eu lieu aussi dans toute la France. Alors en fait, moi, je vais vous parler un peu donc, de cinéma militant, comme a dit Mouloud, mais à partir d'une initiative qu'on a fabriqué donc avec Mouloud ici présent, mais aussi Julien, qui est gérant d'un bar qui s'appelle le Saint-Sauveur dans le 20e arrondissement. On a monté en début d'année, on était venu ici déjà pour en parler, présenter le projet. Absolument. Et un ciné-club, donc on a monté un ciné-club dans ce bar du Saint-Sauveur qu'on a nommé Images Militantes. Alors je vais revenir un petit peu sur le principe du, du ciné-club plus tard, mais d'abord, je vais un peu expliquer pourquoi on a voulu l'appeler image militante, quoi. L'idée, c'est qu'on se demande comment le cinéma peut être une arme de lutte, comment ça peut être un moyen pour faire avancer les idées dans la société et mobiliser, quoi. Alors, comme tu l'as dit, Mouloud, 68, c'était 68, et après, ça a été une grande période d'expérimentation politique, et notamment dans le cinéma. Nous, avec le Ciné-Club, on a décidé de remontrer des filmographies militantes qui étaient peu vues. Alors, on montre aussi des productions contemporaines. Et l'idée, c'est de faire un pont entre le passé et le présent, comme ça, à travers des films. Mais là, je veux plutôt revenir sur les films qu'on a montrés, qui sont un peu fondateurs, en France en tout cas, d'un cinéma dit militant, quoi. Alors, cinéma militant, dans les années 60 et 70, ça va se distinguer d'un cinéma dit politique, où le sujet politique est latent ou un petit peu timide, comme ils le disaient à l'époque. Et ça va se distinguer aussi d'une forme de reportage ou d'investigation qu'on peut plus voir dans le cadre de la télé. Et ce qu'il faut entendre tout de suite par le mot image militante ou cinéma militant, c'est qu'à cette époque-là, la question de la forme et de comment on fait les films, c'est-à-dire à la fois en termes de mode de production, de mode de diffusion, mais aussi à proprement dit sur comment on manie les images, comment on met ensemble les images, voilà, toutes ces questions-là étaient posées. Il ne s'agissait pas de faire une fiction de type hollywoodienne pour montrer des gens qui se révoltaient. Ça, c'était quelque chose qui était considéré comme insuffisant par les gens qui sont... Qui ont participé. Donc on rapporte la vie des gens. Les gens sont importants. Oui, mais il y a aussi, par exemple, la question... Il y a la question du mode de production qui est très intéressante pour caractériser le cinéma militant d'alors, dans le sens où on peut dire qu'il va naître plutôt à partir de la guerre d'Algérie, et notamment, je dis bien notamment parce qu'il y en a plein d'autres, mais autour d'un cinéaste qui s'appelle Yann Masson, que j'ai présenté la dernière fois, voilà, qui est un militant communiste acharné, mais aussi un chef opérateur de métier, qui a décidé, après avoir été soldat pendant la guerre d'Algérie, forcé à l'être par le Parti communiste, car lui voulait déserter, il était à cette époque-là au PC. Voilà, il a fait un film après cette expérience-là qui s'appelle « J'ai 8 ans », qui est un film fait à partir de dessins d'enfants, à partir de rien, à partir de quelques images de portraits, parce que faire des films à cette époque-là était très cher. On est en pellicule, on est obligé d'utiliser une grosse machinerie, quoi, pour pouvoir faire des films, quoi. Et « J'ai 8 ans », ça fait partie des films qui sont un peu fondateurs, quoi, d'un cinéma militant, dans le sens où, à partir de cette expérience-là, il y a Le Masson et Olga Polyakov, sa femme de l'époque, mais aussi René Vautier et toute une troupe, vont écrire le manifeste pour un cinéma parallèle. D'accord. Qui est un manifeste assez fondateur, donc qui est pas 68, qui est presque à la fin de la guerre d'Algérie, en 62, et qui appelle à faire des films en dehors de l'industrie cinématographique dominante. Donc ça, à l'époque, aujourd'hui, c'est un peu plus facile pour nous d'imaginer ça, mais ça, à l'époque, ça veut dire quand même s'organiser pour avoir le matériel nécessaire et le diffuser. Ça aussi, c'est une grande question, quoi. Dans le sens où il y a, à cette époque-là, une censure économique, de fait, qui existe toujours aujourd'hui, qui est que les grandes chaînes, les grandes boîtes de production ne vont pas passer un contenu trop politique, mais surtout, à l'époque, il y a une censure économique, politique, pardon, qui va s'arrêter. Oui, puisque on était à l'ERTF et à peine une télé et surtout la radio qui était ultra contrôlée. C'est ça, voilà. Et pour avoir des aides, par exemple, les commissions du CNC, donc le Centre National de la Cinématographie, étaient composées par des politiques, entre autres par des réalisateurs. Donc il y avait une censure politique explicite qu'on ne connaît plus aujourd'hui, qui a cessé en 73, notamment après une grève de la faim de René Vautier, qui est toujours ce combattant acharné, quoi. Bon, alors à l'époque, en 68 et tout au long des années 70, il y a un cinéma militant qui va donc se mettre en branle, parfois rattaché à des partis, des organisations gauchistes, parfois fait simplement collectivement. Et bon, qui va se distinguer, on va dire, des productions plutôt propres au Parti communiste, qui restait un peu dans les clous, à la fois dans la forme et au niveau du contenu, qui retranscrivait le discours du parti, quoi. Donc il va y avoir une myriade de collectifs qui vont se créer, et qui sont, pour certains d'entre eux aujourd'hui fameux, comme les groupes Medvedkin, qui ont été initiés par, entre autres, par des cinéastes qui sont venus à Sochaux et à Besançon dans les usines, dans ces villes ouvrières. Donc là, on racontait la vie ouvrière, les luttes, les des choses comme ça. Voilà, mais avec la particularité des groupes Metzetkin, c'était que les groupes Metzetkin, après qu'il y a eu un premier film qui a été fait, qui s'appelle « À bientôt, j'espère », fait plutôt par Chris Parker, les ouvriers vont plutôt être très virulents face au film et dire que ça les représente peu, quoi. Et à partir de là, une collaboration va se mettre en place entre les ouvriers et les cinéastes, et petit à petit, les ouvriers vont prendre en main l'outil cinématographique et s'en servir pour accompagner les luttes, quoi. D'accord. Donc, ça, c'est typiquement une expérience qui est des plus fameuses, mais qui met en jeu le mode de production, parce qu'à ce moment-là, donc, il y a plusieurs percées des réalisations collectives qui sont décidées. On déconstruit la notion d'auteur. On dit que c'est une vision bourgeoise de la création artistique. Donc, on fait collectivement les films, on les fait avec son propre argent, on les fait ou avec des aides, des soutiens, voilà. On les fait avec des caméras qui sont à ce moment-là des caméras les plus accessibles, donc du 16 mm et du Super 8. Et en ce qui concerne là les coupes de Zetkin, par exemple, oui, on montre la vie ouvrière de l'époque, mais aussi dans les foyers où on rentre dans une intimité de la vie ouvrière qui n'était pas trop mise en avant par les grandes productions du PC qui idéalisaient. Oui, les voyez, absolument. Voilà. Non, pardon, excuse-moi. Et notamment, on donne la parole aussi un peu plus aux femmes. Et on va dans les foyers, parce qu'à ce moment-là, filmer dans les usines, c'est extrêmement compliqué. Hein. Donc, du coup, il y a une. À bientôt, j'espère, Classe de lutte, tout leur ciné-tract, enfin, des films absolument merveilleux. Et en gros, pour on peut dire assez schématiquement que après cette période de mai 68 où des collectifs naissent comme donc Ciné-Lutte qui est un ancêtre de l'ARC, l'atelier de recherche cinématographique. Il va y avoir aussi des cinémas militants régionalistes comme Ciné-Hoc en Occitanie ou comme l'Union de production cinéma Bretagne en Bretagne. Donc c'est riche. C'est très riche. Il y a vraiment une... il faut être un peu prudent sur l'impact que ça a eu, parce que c'est des films qui sont, on va y revenir, qui ont été finalement assez peu vus, dû aux difficultés de la diffusion, mais dû aussi à un certain entre-soi militant, ouais, qu'on connaît génération après génération, et qui avait du mal à cette époque-là à sortir de son... voilà. Mais si on veut un petit peu schématiquement parler distinguer deux types de cinéma militant qui vont se développer en 68 et dans l'après 68, on pourrait dire qu'il y a plutôt un cinéma héritier du cinéma direct, donc qui était une forme de documentaire révolutionnaire développé au début des années 60, où il s'agissait, avec un matériel très léger, progressivement à partir du synchronisme entre l'image et le son, qui était très compliqué à mettre en place, à saisir des images sur le vif de la vie quotidienne, parfois sans scénario préétabli, et à être dans une tentative de captation de la vie prise sur le vif, avec de moins en moins de commentaires, avec une proximité des corps beaucoup plus grande, avec quelque chose de... Voilà, bon. Le cinéma militant va hériter de ces écoles-là, et du coup... Les collectifs qui vont s'inscrire dans cette lignée, ce sont plutôt des collectifs qui partent du principe qu'il faut intervenir dans les luttes, qu'il faut être présent physiquement, s'engager dans les luttes, quoi. D'accord. Et donc là, c'est un engagement. On n'est pas là pour témoigner. On est du même côté de la barricade. C'est ça, voilà. On verra quasiment, comparé à aujourd'hui d'ailleurs, et là j'en suis une petite pique à Taranis News, moi à mes yeux en termes d'image est assez pauvre par rapport à ce qui se passait là-bas, à cette époque-là. On filme jamais du côté des flics, on est toujours du côté physiquement du côté des combattants, on essaye de donner la parole, ou quand on pense que la parole, on n'est pas habilité à la donner, on essaie de faire des films collectivement avec les ouvriers. Bon, alors ce cinéma, il se caractérise donc par une présence dans les luttes, en se donnant pour mission, à l'époque, le mot d'ordre, c'était intervenir, contre-informer, mobiliser. Voilà. Alors bon, si vous voulez, je peux aussi vous lire une petite... Oui, vas-y. Ouais, oui, vas-y, vas-y. Il y a donc je vais vous lire une petite définition, tentative de définition par Guy Hennebel, qui était un historien, un journaliste qui a travaillé beaucoup en Algérie, qui a soutenu le FLN, qui était très porté sur les luttes anti-impérialistes, et qui était un des grands théoriciens et historiens du cinéma militant, non seulement européen, mais aussi mondial. Il a d'ailleurs fait un livre qui s'appelle « Le guide des films anti-impérialistes », qui est précieux. Et lui, par exemple, voilà, il va dire... il va le définir en trois points. Les deux premiers points, ça va être... ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire un mode de production parallèle, un mode de diffusion aussi parallèle, l'usage d'un matériel très, très pauvre et très accessible. Et après, alors, dans le contenu, il va le définir comme ça. C'est un cinéma de combat qui se met d'emblée et par définition au service de la classe ouvrière et des autres classes ou catégories populaires en s'assignant une fonction de contre-information, d'intervention ou de mobilisation. C'est un cinéma qui, globalement, lutte contre le capitalisme et l'impérialisme. Voilà. Bon, c'est un petit peu ça les critères du cinéma militant d'alors, quoi. Donc c'est un cinéma qui est vraiment sur le vif, qui est plutôt brut, qui se fait caméra à l'épaule, qui suit les grèves, qui va chercher les témoignages chez les gens qu'on connaît très peu. Alors bon, il va y avoir un peu plus tard une épopée féministe du cinéma militant qui va venir dans les années 70 et qui va beaucoup se faire autour de la vidéo. Quand la vidéo va apparaître, qui est un outil encore plus accessible, parce qu'à cette époque-là, là, les premiers à fonder ce cinéma militant, quand on parle de Yann Lemasson, de René Vautier, on parle quand même déjà de chef opérateur de métier. Oui, absolument. Les gens, ils ont une expérience. Voilà, ils ont fait les grandes écoles de cinéma, ils ont fait Vaugirard, ils ont fait l'ancêtre de la FEMIS, l'IDEC, une profession d'homme, une profession de qui était très valorisée, très syndiquée. Bon, les femmes sont un peu exclues de ça au début quand même, quoi. Oui, c'est ça, vraiment. Ouais, bon. Et bien plus tard, notamment avec des figures comme Carole Roussopoulos, plutôt au milieu des années 70, il va y avoir la création de cinéma, un cinéma vraiment féministe, quoi, avec des collectifs comme Video Out, Video 00. Voilà, ça, c'est un peu une autre histoire, quoi. Donc ce cinéma, il est, on peut dire, très immédiatement collé aux luttes, quoi. Il y a des films comme ça qui vont servir très directement. On filme une grève, on le monte dans les jours qui viennent et on le diffuse auprès des ouvriers pour que ça marche. Après, il va y avoir les grandes, grandes fresques militantes, plus construites sur le long terme, toujours en cinéma direct, comme Kashima Paradise, qu'on a montré au Saint-Sauveur dans notre cycle de l'aménagement capitaliste du territoire. Et ça, qui sont des films merveilleux, mais qui restent toujours à partir de ce principe du cinéma direct. On peut dire, encore une fois, schématiquement, un spécialiste m'introduirait plein de nuances. On s'en fout des spécialistes. Fout des spécialistes. il va y avoir un autre type de cinéma qui va plutôt être autour de collectifs ou de groupes comme Cinétique de Jean-Paul Fargier, d'accord, ou de groupe Ziga Vertov, donc d'accord, de Jean-Luc Godard et de Jean-Pierre Gorin. Plutôt que de dire il faut intervenir et être proche des gens qui luttent, qui va dire ça, ils disent en gros, et les débats étaient très vifs à l'époque, si on fait ça, on loupe une étape. On loupe une étape parce que c'est bien beau d'aller voir les ouvriers et de les filmer comme ça d'un coup, alors qu'on les a jamais filmés auparavant, qu'on leur a jamais donné la parole auparavant, et nous on arrive, en plus évidemment, les cinéastes qui vont les filmer sont tous issus des villes, des grandes villes, tous des bourgeois, tous des... Bon. Et des gens comme le groupe Ziga Vertov, par exemple, ils avaient un très beau slogan. Ils disaient, bon, avant tout ça, il faut déconstruire l'organisation bourgeoise des images et des sons. D'accord. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement parlant, ça veut dire qu'il faut repenser le cinéma, bon, plutôt dans la forme, et échapper à un mode de représentation de la réalité qui est plutôt propre au cinéma traditionnel classique, avec du coup toute une culture, une histoire qui va derrière, qui fait que on ne peut pas utiliser cet outil-là, selon eux. C'est ce qu'ils disaient à ce moment-là. Donc plutôt que d'aller dans les luttes, il fallait rester sur sa table de montage et faire des tentatives. Donc il y a le groupe Ziga Vertov, voilà, il y a des films très très beaux comme Vladimir et Rosa, qui est une sorte d'histoire d'amour entre Lénine et Rosa Luxembourg, en posant, d'accord, des questions de stratégie différentes. Il va y avoir un très beau film que je recommande beaucoup pour les luttes d'aujourd'hui, qui est leur premier film, qui s'appelle Un film comme les autres, qui est très peu vu malheureusement, et que je recommande vraiment à tous ceux qui luttent aujourd'hui, parce que c'est très très précieux pour ça. C'est tout simplement une discussion aux alentours de la faculté de Nanterre entre des ouvriers et des étudiants après les manifestations de mai. Et c'est un film qui pose les problématiques principales de la lutte, et on a le temps dans ce film-là avec des procédés de distanciation plutôt brechtiens, on va dire, quoi. Ils héritent vraiment de cette école-là, quoi. Donc on met à distance la réalité, on la regarde autrement, quoi. C'était plutôt... Est-ce que tu peux... tu devras revenir, parce que c'est vaste. Okay. Est-ce que tu peux dire 2-3 points pour finir, voilà. C'est-à-dire parce qu'après, on arrive à la vidéo, c'est ça ? Oui, alors il y a la vidéo, mais alors si vous voulez, je peux. Bon, bah déjà, il y a quelque chose qui est sur lequel je peux revenir, qui est assez important. C'était vraiment la question de la diffusion, donc qui au tout début de la guerre d'Algérie se faisait, par exemple, à travers les fédérations de ciné-clubs, à travers les fédérations d'œuvres laïques, à travers aussi les organisations catholiques de gauche, à travers les syndicats, les comités d'entreprise, tout ça, et qui était très violemment réprimé par la police, hein, qui était traqué vraiment quoi. Mais pour le cinéma militant, cette question de la diffusion et du débat d'après le film, c'est pour ça qu'au Saint-Sauveur, on tient absolument à faire des débats, et à discuter. On n'est pas dans un truc où on est des consommateurs et un spectateur passif, mais on est des acteurs. C'est ça. Et le débat est le cœur, en fin de compte, de l'affrontement et de la polémique pour pour voir le sens et qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce qui ne me touche pas, et de pouvoir en fin de compte que les personnes s'emparent en fin de compte de l'œuvre, et en plus c'est leur vie qui est en jeu en fin de compte, c'est ça que tu dis. Alors, l'émancipation du spectateur était le principal objectif des espèces militants. On n'est pas des consommateurs, on est des acteurs, c'est ce qu'il faut. Et même en tant que spectateur. Et c'est comme ça qu'on va terminer. Et on va te réinviter pour faire quelques points. Et puis, on vous souhaite tous de continuer la lutte, de voir qu'effectivement, avec une simple petite caméra, on peut aussi raconter plein de choses. Et on salue tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas là, tous ceux qui sont là. Et puis, vive la lutte. Et puis, on espère que 2019 soit l'année de la révolution. Merci, au revoir. Et de l'amour. L'amour sauvera le monde. Au revoir. Toxicity of our city.